histoires qui partent en fumée, lance de blonde. Aux disparus, fou silence de plan. On lève les yeux, baisse les stores, pleure des séjours à l'hosto. On porte des cernes et des histoires qu'on assume plus, moi à Longstone, frère. Et 70 kilos de jarre sur le pollen char. Pour ceux qui me voient rappel, quand je suis sous pollen choc. Mauvais chemin, j'ai son parfum, peut-être qu'après j'ai serré le pont. Je dépense des séries de baffes sur baffes, après des séries de pompons. Tourne en boucle, manque de place, roule dès le matin, moins de planes. Des cœurs cachés dans le faux plafond et des bouffées d'âme de plâtre. Tous ailleurs, voyage, évite la noyade, incroyable. Ton graille, pour plus faire partie de la moyenne. On se lève après le vide, la bise nous pousse vers la paix. Rêve plus de la belle vie, on a trop vu la vie se faire la belle. J'rappe une main sur le pommeau, la rage qui cache des poumons. J'crache pas dans la soupe, hein, moi. Non, j'rappe comme j'crache mes poumons. Dimanche en boucle, seul parce qu'on a rien à dire. On attend la rage en bouche, que le soleil revienne à lundi. Vili. J'ai tellement visé le soleil, désolé, j'm'en sors. Essayez plus de me joindre, là, j'suis ailleurs. Tellement visé le sommet, mes rêves m'assomment. J'en assumerai les choix, là, j'suis ailleurs. J'ai tellement visé le soleil. Je me dis c'est vrai qu'il y a pire ailleurs. J'étais sur les deux pieds dans le vide, ma vie d'artiste est tiraillée ailleurs. Le chemin c'est loin sa mère, en bas les poids s'enchaînent. On fait avec, c'est vrai que les fautes sont proches, les proches sont chers. Je rappe comme je respire, ton chlasse dans le vestiaire. Plus de sang, peine à dire, j'ai vu l'avenir comme mon adversaire. Ailleurs, j'ai prié dans la nuit, j'ai vu couler mon avenir. J'attends que mon heure sonne. Ailleurs, une garde au garo dans la ville. On entend rêver de la fille, je donne à personne. Le temps s'égare, des pensées de fou. Une feuille quand le cœur s'étouffe, demain c'est loin, demain c'est tout. L'âme est vidée, la tête est pleine, attends que ça mène l'inverse. En plein torrent, pousser la chance, attends que la peine s'inverse. Je me pars ailleurs, si loin des anges, plus place dans le cœur des gens. Un dernier sourire, une virée, à contresens du vent. J'ai tellement visé le soleil, désolé, je m'en sors. Essayez plus de me joindre, là, je suis ailleurs. Tellement visé le sommet, mes rêves m'assomment. J'en assumerai les choix, là, je suis ailleurs. J'ai tellement visé le sommet.